cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الطريق للسعادة الدنيوية والأخروية قال المنصوح On répète al-mansouh, al-wazn maf'oul, ay, celui qui reçoit le conseil, celui qui est conseillé. Ou al-nasih, al-wazn fa'il, c'est celui qui conseille. Qala wallahi ma ta'addayta fi wasfihim mithqala dharra, walakinni urid an tadullani ala tariqin yajma'u bayna al-sa'adati al-dunyawiyyati wa al-sa'adati al-ukhrawiyya. Après avoir demandé au nasih, un conseil, comment faire pour délaisser Ha'oula al-Mushrikin al-Kafara. Et un nasih, celui qui conseille, il lui a démontré Hal Ha'oula. C'était beaucoup sur l'apparence, leur soi-disant bon comportement, leur soi-disant tolérance, leur soi-disant respect, c'est que pour leur masalih. Et ils veulent du shor pour le muslim. Hakada Hal al-Kafara. Après avoir expliqué tout cela, il lui demande autre chose. Le muslim ne la trouvera jamais en suivant le kuffar. Même tout ce qu'ils ont mis en place, comme anzima, mu'assasat, des ahkam min al-bashar, tout ça pour être heureux, fa c'est pas la solution abatan. Li'anna Allah azza wa jalla qala wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Il aura une vie malheureuse. Jamais tu trouveras le bonheur en suivant al-kuffar. Wa ndur halahum al-an. Anna la moindre chose et ils appellent à la rébellion. Ils appellent à la révolte. Ils cassent, ils brûlent, ils manifestent injustice. Madhumb, qu'est-ce qu'il a fait tel commerçant pour que son commerce il soit brûlé lors d'une manifestation? Alors que hum, ils reprochent rien aux manifestants, ils reprochent soi-disant au gouvernement et zulm lil muwatinin. Hakadha hum isum. Même si ils font apparaître annahum ils sont pour le dialogue, annahum ils sont pour la tolérance, la fraternité. Quand une chose, elle ne va pas dans leur sens, mubashara les accusations. Même entre eux. On voit les manifestations qu'il y a en France, entre eux. Entre eux, wa ta'ammal ala dhiq dans lequel ils vivent. Et adawa, et zulm. Tout ça, tu cherches la raison. Pourquoi? Allahu a'lam. Attama. Pourquoi les annahum ils pensent qu'à dunya? لماذا لأن الكافر لا يشبع كما سيأتي معنا إن شاء الله. الكافر il sera jamais satisfait. Même si demain le gouvernement il répond à toutes leurs demandes, tu verras que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, un autre groupe il viendra, il demandera des autres choses. Wahagada, sinin ils sont dans cet état. Ça fait des années, des décennies, des siècles qu'ils font couler le sang avec ces manifestations, avec ces révoltes. Amma l'islam, abadan. Beaucoup de versets du Coran, de hadith, il montre qu'il faut du calme, il faut de la patience. Khassatan avec son gouverneur, avec ton gouverneur musulman. Falihada, dans les pays musulmans, si la sunna, elle est appliquée, ou le Coran, il est suivi, tu n'auras pas toutes ces manifestations. Même si le gouverneur, il est injuste, as-sabr. Limada, li'anna, ce n'est pas une solution. Le gouverneur, il est injuste, il partira. Il mourra. Un autre, il viendra. Et s'il est injuste, c'est qu'il y a une raison, nos dhunoub. Et huwa, s'il est injuste, il rendra des comptes yawm al-qiyama. Lakin, est-ce que la solution, c'est se rebeller, casser, manifester, empêcher les autres de travailler, brûler les voitures des autres, brûler les maisons des autres? Bi'ayyi haqq. Ça, c'est du zulm. Fa, huna, al-mansouh, il demande la solution pour être heureux. Qala, li'anna al-nufus. أو لأن نفوس من تربى وتخلق بأخلاق هؤلاء لا ترجع عما ألفته إلا بأمر قوي إما بترغيب وهوى يجذبها وإما بترهيب وخوف يقمعها. هذا صحيح, أي المنصوح يقول أن النفس, celui qui a été éduqué par هؤلاء, qui a grandi avec هؤلاء, qui s'est mélangé avec هؤلاء, في الحقيقة c'est pas simple de délaisser tous leurs أفكار إلا bien sûr أن يشاء الله. فلهذا الإنسان يفيد الدعاء, même si c'est difficile, فالله سبحانه وتعالى كريم, لكن il faut faire des causes. Parmi ces causes, قال إما بترغيب وهوى يجذبها وإما بترهيب وخوف يقمعها. Avec le خوف والرجاء, avec الترغيب والترهيب, إما une chose qui va l'encourager pour délaisser cette chose, إما une chose qui va lui faire peur et il devra délaisser ces choses. Et المؤمن ولله الحمد إلى ست عقيدة يؤمن بالجنة والنار. الجنة, ça nous encourage à faire des efforts pour délaisser tout ce qui contredit l'islam ou le sunnah. لماذا؟ لأن on espère rentrer في الجنة, au paradis. Et النار, l'enfer, ça nous pousse كذلك à délaisser tout ce qui contredit le Coran ou le sunnah. لماذا؟ لأن on a peur pour notre nefs de rentrer en enfer. قال فقال له صاحبه الناصح. Donc, cette demande, on résume, il demande les causes pour être heureux fi ad-dunya wal-akhirah et s'écarter de ce sur quoi il était quand il fréquentait oulaik. قال والله لقد أدركت في هذا الدين مطلوبك وفيه والله كل مرادك ومرغوبك. أي الناصح هنا يقول بل يحلف, ça ça montre أنه il est sûr, n'est aucun doute أن ce que tu as demandé فموجود ولله الحمد, أي dans notre din, في الإسلام. Si tu veux être heureux, la solution c'est l'islam, rien d'autre. قال فإنه الدين الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة. وهذا الدين, celui qui le suit, qui s'accroche, qui se cramponne, فبإذن الله عز وجل il sera heureux في الدنيا وفي الآخرة. C'est pas que pour l'au-delà, حتى في الدنيا. Les portes, elles s'ouvriront, بإذن الله. قال وفيه اللذات القلبية والروحية والجسدية. اللذات, c'est les plaisirs, que ce soit pour ton cœur, ou pour ton roh, pour ton âme, ou pour al-jasad, pour ton corps. Des choses halal qui te rendront heureux. Et ce que tu as besoin, walillahi alhamd, et qui ne fait pas de mal, tu trouveras que c'est halal. Et ce qui est interdit, c'est que c'est un mal pour toi. مثلا, est-ce que prendre du plaisir en buvant de l'alcool, c'est une maslaha? C'est un mal. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit. Comme les gens, ils pensent qu'ils se font plaisir en buvant de l'alcool, et au début, ils prennent du plaisir en apparence. Ils boivent un verre, deux verres, il a un verre. Thumma, il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il fait. Robama, il fait une jérime. Bardanès, ils ont fait beaucoup de mal. Bardanès, ils ont tué. Bardanès, ils ont trahi. Bardanès, ils ont insulté. Bardanès, ils ont commis des énormes injustices. Les malades, ils étaient sous. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Hadith din al-azim, hadith il-ladda. Vu qu'elle est accompagnée d'une mafsada azima, c'est interdit. Tu trouveras des autres plaisirs autres que l'alcool. Amma al-kuffar fi hadith al-bab, ils n'ont aucune limite. C'est devenu des ubad li shahawatihim. Ils adorent leurs shahawat, leurs désirs, leurs envies. Falihada, ils commettent tous les interdits, ils n'ont plus aucune limite. Est-ce que ça les a rendus heureux? Abadan. Abadan. Celui qui pense que les kuffars, ils sont heureux, imma, il ne connaît pas le bonheur, imma, il ne connaît pas les kuffars. Même si ahyanan, ils sont heureux, ça arrive. Un jour, deux jours, une semaine, tu les trouveras da'iman, ils sont fi shidda. في تعب في ضيق لماذا لأن الله عز وجل أخبر بذلك يعني سيتي لفرسي اسمع كلام الشيخ سعدي رحمه الله قال ولا تفقد من مطالب النفوس الحقيقية شيئا إلا أدركته ولا من أنواع المسرات شيئا إلا حصلته ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وسأوضح لك ذلك. Tout le bien se trouve في هذا الدين. Tout le bien, tout ce qui est lié à ton corps, à ton cœur, à ta vie, à ta famille, au monde professionnel, tout ça, tu trouveras dans le din des choses qui facilitent. قال فعلب أن أصول اللذات المطلوبة هي. Il va citer trois fondements. أصول اللذات. اللذات اللذة c'est le plaisir. فأصول هذه اللذات c'est trois points. أولا راحة القلب وسكونها وطمأنينتها وفرحها وبهجتها وزوال همومها وغمومها. Premier point, rahatul qalb. Al-ladha, c'est le plaisir, quelque chose de la vie, c'est quelque chose de bon. Et être heureux. Rahuna, le premier point pour avoir hadhihi al-ladha, ce bonheur, rahatul qalb. Que le cœur y soit en paix. Que le cœur y soit rempli de sakina wa hudu. Raha. بعض الناس leur cœur عياذا بالله il est pas في راحة دائما des soucis دائما ils pensent ils ont du mal à dormir ils ont toujours des problèmes لماذا لأن leur cœur il va pas ils ont pas cette راحة ils sont pas tranquilles et tu trouves le مؤمن خاصة الصالح il est مرتاح même أحيانا il a une vie difficile peut-être qu'il est touché par des maladies peut-être par la pauvreté peut-être des problèmes لكن هذا القلب est مرتاح. La question qu'on peut se poser là, comment faire ? Ça y est, Cheikh Saadi rahimahullah, il a cité les trois fondements, summa, il les a expliqués. Qala, thaniyan, al-qana'a. Deuxième chose pour être heureux, al-qana'a. Al-qana'a, c'est se suffire de ce que tu as. مثلا الله سبحانه وتعالى يتعدني تل شوز فولله الحمد تقتنع ستسوتي اتسيبا دفور توجو بلس عيادا بالله لأنه سعفتو بوسي أفير سرطان شوز قال القناعة والطمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب الجسدية الوقت لابون سنتي إلى آخر قال استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاغتباط هذه النعم الله سبحانه وتعالى يدن عب أولا يفضل قناعة الله سبحانه وتعالى رزقك تل شوز فالحمد لله الشكر سادوان وسفير با توجور فولوار بلس عيادا بالله يسان بوسا فير دي شوز غراب ست شوز الله سبحانه وتعالى يتعدوني ست نعمة استعمالها على وجه يحصل به السرور كذلك cette chose tu dois l'utiliser في طاعة الله سبحانه وتعالى la bonne santé le temps libre العلم les enfants ton argent tout cela في طاعة الله عز وجل لماذا لأن الله celui qui te l'a donné سبحانه si tu appliques ces trois راحة القلب أي tu soignes ce cœur حتى يكون مرتع شيخ سعدي رحمه الله il a cité comment سيأتي إن شاء الله القناعة tu ne cherches pas toujours à avoir plus ça va te pousser à faire des efforts que fait dunya et ton cœur il ne sera pas murtah tu n'auras pas la raha abadan celui qui suit que dunya son cœur il sera occupé par dunya troisièmement ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné tu l'utilises fi ta'atillahi azza wa jal ces trois points c'est les clés du bonheur celui qui veut al-raha celui qui veut sa'ada tu as لا solution. قال فهذه الأمور الثلاثة من رزقها واستعملها على وجهها فقد نال كلما تعلق به طمع الطامعين فإن جميع اللذات ترجع إلى ما ذكرنا. وبعض الناس كما قال الشيخ السعدي font tout pour avoir السعادة pour être heureux. لكن ils oublient ces points essentiels. بعض الناس pensent que plus tu as plus tu seras heureux. Et ça, c'est pas sahih. Comme les nazis, ils ont beaucoup, ils sont malheureux. C'est des millionnaires et ils mettent fin à leur jour. Et tu trouves, Wahid, il n'a pas grand-chose et il est firaha, la ya'lamuha illallah. Firaha, il est tranquille, il est content de ce qu'il a. Et alhamdulillah, il vit une vie heureuse alors qu'il n'a pas beaucoup. Donc, c'est pas plus on a, plus on est heureux. Abdan. Qala, fa inna jami'a ladda tardi ila ma dhakarna. Et tous les plaisirs, toutes les bonnes choses, et une vie heureuse, ça revient à ces trois points. Et il les a détaillés, rahimahullah. قال فأما اللذات أو فأما لذات القلوب وحصول سرورها وزوال كدرها لذات القلوب وحصول سرورها هذا واضح السرور سيتر heureux وزوال كدرها هي ce qui va salir ce cœur. الكدر c'est quelque chose qui est pas safi. مثلا de l'eau qui est pas propre. هي c'est de la saleté. Enfin pour enlever cette saleté de ton cœur. اخي الكريم il y a une méthode. Ça s'achète pas هذا, c'est pas avec l'argent. هذا سمين الله سبحانه وتعالى لكن on doit faire des causes parmi ces causes قال فإنما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا الله عباده للإيمان به la base de ce bonheur pour ce cœur c'est الإيمان بالله c'est la croyance en الله سبحانه وتعالى قال من الإيمان بتوحده بجميع نعوت الكمال وامتلاء القلب من تعظيمه وإجلاله ومن التأله له وعبوديته والإيمان بالله la croyance en Allah سبحانه وتعالى c'est pas une prétention هنا c'est pas une origine كما تقدم معنا في كشف شبهات كثيرا c'est pas une origine أن mes parents c'est des musulmans donc je suis un musulman et je fais aucun effort لا la preuve c'est que هؤلاء ils ont toujours le cœur malade أو بعضهم عيادا بالله le cœur mort لا هذا الإيمان cette croyance c'est بتوحده c'est بالتوحيد توحيد ماذا قال بجميع نعوت الكمال أي الله سبحانه وتعالى il a des attributs il a des noms on doit les connaître et celui qui connaît les noms d'Allah سبحانه وتعالى et qui connaît les attributs d'Allah سبحانه وتعالى لا شك أن son cœur il va s'épanouir sa vie elle va changer لماذا لأنه va connaître Allah سبحانه وتعالى مثلا s'il est touché par un problème إلى آخره il saura أن الله عز وجل c'est le rahim c'est le rahman c'est le karim c'est le rafiq il saura tout cela donc ça va لاشك أن sa conception des choses elle va changer il va patienter et il va demander à Allah سبحانه وتعالى لماذا لأنه c'est أرحم الراحمين والله سبحانه وتعالى il est karim il veut le bien pour ses serviteurs أما واحد qui ignore tout de cela une petite épreuve واحد il lui dit peut-être un mot ça le fait travailler toute une nuit des semaines واحد il lui a dit un mot عيادا بالله ça c'est ضعف كبير et هذا ça fait beaucoup de mal au mu'min أما celui qui connaît Allah سبحانه وتعالى فيصبر et si quelqu'un est injuste envers lui il revient Allah سبحانه وتعالى كذلك il se remet en cause قال وامتلاء القلب من تعظيمه وإجلاله لكن pour عظم الله سبحانه وتعالى il faut le connaître اما le problème qu'on a ou beaucoup d'entre nous c'est cette ignorance ان on connaît pas الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العظيمة c'est pour ça que cette étude elle est très très importante étudier les noms d'Allah عز وجل et كذلك étudier ses attributs إما avec un livre في الأسماء والصفات أو في الأسماء et si tu dis les noms là tu étudieras les attributs il y en a chaque nom il renferme un attribut أو بدراسة العقيدة comme الواسطية أو الطحاوية أو autre من كتب العقيدة et c'est une étude ولله الحمد approfondie sur les noms d'Allah et ses attributs على كل حال si tu veux résumer cette première partie الآن étudier l'aqidah apprendre son dîn celui qui connaît sa aqidah il n'est pas comme celui qui ne la connaît pas khassatan s'il a appris le sidq et son but c'est d'appliquer c'est pas les mêmes personnes et c'est pour ça que tu trouves celui qui connaît sa aqidah qui la met en application il est beaucoup plus fort pas, on parle pas nous, au niveau physique là il est beaucoup plus fort fi dinihi patientera plus il sera heureux لماذا لأن إلى ست provision عظيمة سلاح dans son cœur قال ومن التأله له وعبوديته كذلك أدعي الله سبحانه وتعالى سل توحيد العبادة أما المشرك في قلق كم من الناس كذلك comme on a étudié ensemble dans notre درس précédent في كشف الشبهات كم من الناس يديز لا إله إلا الله et prétendent أنهم يؤمنون بالله أنهم يكروا الله سبحانه وتعالى إلى آخره et tu les trouves يشركون بالله comment il va devenir ce cœur il demande à des morts ils sacrifient pour des morts, ils vont voir des sorciers. Aïn al-iman? Celui qui fait cela, il a annulé son iman. La in ashrakta la yahbatan amaluk. Fahada, ayyadan billah al-mushrik, il n'a pas ce point. Al-mulhid, il n'a pas ce point. Al-kafir, il n'a pas ce point. Ce premier point, il est réservé pour le mu'min. Al-iman billah. Et vous avez remarqué que Cheikh Saadi l'a cité en premier. L'iman al-anna, c'est la base. C'est l'essentiel. Din, il est fondé sur hada. Tu veux être heureux, falabud min al-iman. Amma, être heureux sans iman, c'est impossible. Même si c'est de temps en temps, sur une courte durée, ou c'est en apparence. Faqat. Wa illa tu trouves al-kuffar, c'est min ashaddin nas, qalaqan wa huznan, iyadan billah. Ils ont un dhiq shadid. Lima hada al-kuffar. Qala, deuxième point, wa l'inabati ilayh, wa ikhlas al-amal, al-zahiri wa al-batin li wajhihi al-a'la. Al-inaba, ça ressemble à tawbah. لماذا لأن الذنوب كما جاء في الحديث celui qui fait des ذنوب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن dans son cœur ça fait des points noirs et ces points noirs c'est ces points noirs qui empêchent d'être tranquille. هذه الراحة pour l'avoir il faut هذه الإنابة والتوبة. L'insan il n'est pas à l'abri, il n'est pas ma'assoum, il n'est pas infaillible, lakin même s'il lui arrive de faire des péchés, التوبة Al-inaba, et walillahi alhamd, ce cœur il est nettoyé. Et tu le trouves, il est murtah. Al-inaba, c'est muhim. Qal wa ikhlas al-amali al-zahir wal-batin li wajhi al-a'la. Hada taqaddam ma'ana fi al-tawhid. Aïe la sincérité. Troisième point. Qal wa ma yatba'u dhalik min al-nush li'ibadillah. Wa mahabbati al-khayr lahum wa badli al-maqdour min naf'ihim wal-ihsan ilayhim. Kadhalik. S'entraider avec ses frères musulmans. Vous avez remarqué que les premiers points, c'est des adorations. Les adorations. Aïe, at-tawhid wal iman, et bien sûr, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et être sincère. Ça, c'est l'adoration entre l'abd et Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, kadhalik, s'entraider avec son frère musulman. Lillah, et c'est une adoration. Lakin, cette adoration, elle, Al muslim il fait ça lillah, lakin en aidant son frère. Et la chose la plus importante que tu peux faire pour ton frère, c'est le conseiller. Qala wa man yatba'u dhalik min an-nush li'ibadillah. Qal wa mahabbati al-khayr lahum. Kadhalik tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. قال وبدل المقدور من نفعهم كذلك si tu peux l'aider fil ilm c'est anfa tu peux l'aider dans la science tu peux lui montrer tu peux l'aider avec de l'argent as-sadaqa pour ton frère musulman c'est une ibada azima tout ça ça adoucit le cœur قال والاحسان اليهم الاحسان c'est un mot qui englobe tout le bien que tu peux faire pour ton frère musulman comme nasiha comme entraide ila akhir قال والاكثر من ذكر الله والاستغفار والتوبه quatrième point الاكثر من ذكر الله والاستغفار التوبه تقدم معنا ça ressemble à l'inaba الا بذكر الله تطمئن القلوب هكذا قال عز وجل celui qui veut الطمأنينه الراحه فعليه بالذكر لكن on précise هنا ان ce point sera très très profitable si ce ذكر il est prononcé régulièrement bi'il. Amma prononcer des adhkar sans comprendre, il n'y aura pas le même profit abadan pour ce cœur. Hada kadhalik, ça nous montre l'importance d'étudier hadhihi al-adhkar. Awalan, les connaître pour pouvoir les prononcer et kadhalik les comprendre. Que ce soit ash-shahada, التهليل لا إله إلا الله أو لفد دغ الحمد لله أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله tous ces أذكار كذلك أذكار quand tu rentres chez toi quand tu sors chez toi quand tu rentres au masjid quand tu sors du masjid quand tu vas dormir quand tu te réveilles أذكار الصباح أذكار المساء أذكار avant manger après manger celui qui est régulier في هذا et الاستغفار كذلك الاستغفار c'est demander pardon أستغفر الله وأتوب إليه الاستغفار التوبة tout ça ça adoucit le cœur. Mais il faut du temps et le temps on a tous du temps Tout le monde a du temps, on a tous les mêmes journées. Lakin, il faut le chercher ce temps. Celui qui est occupé par Dunia et il pense qu'à ça, et son objectif c'est que de ramasser de l'argent, que de mettre de côté, que des projets, il a akhiré, il aura du mal à appliquer tous ces points. L'insan, il a un cœur. Ce cœur, s'il est occupé par Dunia, il n'aura pas le temps d'être occupé par Hada. Il va durcir. Donc tous ces points, ça demande un juhd. Et au départ, ça peut être difficile au départ, mais l'insan, qalil qalil, il s'habitue à faire ses adhkars. Il s'habitue à l'ibad, l'wajibat, bien sûr, les obligations. Kadhalika an-nawafil, les adorations recommandées. Bien sûr, l'ilm, il donne du temps au ilm, tous les jours. Et on a cité deux points, on a, et ces deux ulum très très importants. Le plus important, at-tawhid wal-aqidah, une étude de kitab tawhid, de l'wasitiyya, de l'qa'id al-mutla, tous ces livres, des noms et des attributs. Cheikh Saadi, il a une risala tayyiba fi hada, ou jumi'ad min kalame. Et kadhalik, l'étude de hadhi al-adhkar. Wa min ahsan al-kutub, fi hada, kitab al-adhkar li l'imam al-Nawawi, et un livre mukhtasar, الكلم الطيب لشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله رسالة نافعة جدا فهذا سم مهم قال فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهداية والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة celui qui fait des efforts dans ces points أما celui qui est دائما devant la télé دائما devant le téléphone دائما devant avec des amis, qil, waqal. Toujours il est firafla. Souma les épreuves, elles arrivent. Maladies, elles arrivent. Les problèmes, ils arrivent. Son cœur, il n'est pas prêt. Tu le trouves, ahyanan, il veut exploser. Minaddiq wa ta'ab. Limadha li anna, il n'a pas traité ce cœur. Si ce cœur, il est traité, al-haqiqa hada, c'est comme un traitement. Si ce cœur, il est traité, le jour où une épreuve, elle arrive, le jour où un problème, il arrive, le jour où une mésentente arrive, l'insan, il a ce cœur, il est prêt. Ta'ammal hal afdal al-khalq alayhi salatu wassalam. Notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Des épreuves énormes. Perdu des enfants en bas âge. Expulsé de Mecca. Accusé de menteur, de sorcier, il a akhri. Ils ont tué certains de ses compagnons. Sa femme Khadija radiallahu anha meurt au départ de la révélation. Son oncle qui l'aidait, il a akhri, il meurt. Il grandit orphelin, il n'a pas de parents. Au départ, beaucoup de gens ils rejettent son message, toutes ses épreuves. Lakin, alayhi salatu salam, il avait ce cœur qui était prêt. Il a pu remplir cette mission bi-idhnillahi azza wa jal. Nous sommes à notre niveau. Et min rahmatillahi azza wa jal, on n'est pas éprouvé comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chacun par rapport à son dîn, par rapport à sa foi. Alors, vu qu'on a des faiblesses dans la foi, nos épreuves, c'est par rapport à notre foi. Allah, il est juste. Lakin, tu trouves, malgré ces petites épreuves, ils ont du mal. Les anoum, ils ne sont pas prêts. Les enfants, ils sont éduqués que pour faire du sport. Chez beaucoup de musulmans, on ne parle pas de tous, il reste du khir. Lakin, kathir, mais les musulmans, leurs enfants, c'est que le sport. Ils pensent qu'au sport, ils pensent qu'au loisir, il faut le sortir, et ils pensent qu'à l'école, l'avenir. Est-ce que ces parents, ils ont déjà enseigné les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à cet enfant? Qu'est-ce qu'ils vont enseigner les noms d'Allah à cet enfant? Eux-mêmes, ils ne les ont pas appris. L'insan, il faut qu'il soit clair, fihad. Comment cet enfant va lui enseigner? Nous-mêmes, on ne sait pas. Ah là, il faut faire des efforts. Cet enfant, il a comme modèle Al-Kuffar, les sportifs, les acteurs. Peut-être que ce père ou cette mère, ils lui ont jamais parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité dans de temps en temps. Et l'enfant, il ne sait même pas c'est quoi. Il a déjà entendu, mais si tu lui demandes vraiment c'est quoi, Mayedri, pourquoi on ne lit pas à ses enfants la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On vient à l'aqida wa tawhid, une étude. Tu trouves inda ba'd an-nas wa la shay. Thumma, ils se plaignent quand il arrive quelque chose. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir quand il y a une épreuve. Le problème, il est ici. Et nous, on doit faire des efforts via ça. Et nous, on a du naqs. On conseille, mais nous aussi, on a des faiblesses. On s'entraide via ça. قال وأهل هذا الشأن لا يربطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم ورياساتهم بل يرون ما أعطوها من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. صحيح. فلهذا بعض السلف كانوا يقولون لو يعلم الملوك ما نحن فيه أي ستنعمة dans laquelle ils étaient من علم وعمل إلى آخر. Si les gouverneurs, les rois, ils savaient, ils auraient essayé de nous l'apprendre avec le سيف, avec le sabre. Ils essaieraient de nous retirer cette ni'ma pour en profiter. لكن ils peuvent pas. C'est dans le cœur. قال وأهل هذا الشأن لا يربطون أرباب الدنيا. Ceux qui font des efforts في التوحيد, في العلم, في القرآن, في فهم القرآن إلى آخره, يكثرون من الأذكار, ils prêtent aucune attention à tout cet engouement qui est pour dunya الآن. لا يبالون. Ils savent que ça ne reste pas. C'est pour ça que tu les trouves, ils sont فراح عظيمة. Et بعض العوام يقولونها هذه. Ils le disent. Ils disent, mais pourquoi un tel il est souriant, il n'a pas de problème. Il a des problèmes comme tout le monde. Lakin, il a un cœur qui lui permet d'accepter l'épreuve et de patienter. قال وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه. صحيح. أما l'expliquer هنا, essayer de le décrire, في الحقيقة c'est pas possible. Celui qui a connu هذا, il sait de quoi Cheikh Saadi rahimahullah il est en train de parler. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال فإن كما قيل من ذاق طعم نعيم القوم يدريه ومن داره غدا بالروح يشريه. هذا إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم. Ça c'est la base de chaque na'im. Ça nous montre que celui qui veut être heureux, on ne doit pas brûler les étapes. Pour être heureux, ils essayent de faire des sorties, ils essayent d'acheter telle chose. Fondement, les problèmes, ils reviennent. Il a fini sa sortie, il rentre chez lui, son cœur, il est serré. C'est pas ça la solution. Et Youssouf, alayhi salatu wasalam, il a été enfermé en prison des années. Injustement, il n'a rien fait. Malgré cela, il a patienté. Ayyub alayhi salatu wasalam, il est tombé malade pendant des années. Il a patienté alayhi salatu wasalam. Ibrahim, il a été chassé, il a été jeté dans le feu. Il a patienté alayhi salatu wasalam. Limadha li'anna le cœur. Cheikh al-Islam le Taymiyyah rahimahullah, il a été enfermé et il était ala khayr. Bal, il a cité une célèbre phrase rahimahullah pour démontrer annahu il était ala raha. بفضل الله عز وجل أنه مرة قال ماذا يفعل qu'est-ce qu'ils vont faire mes ennemis contre moi قال qu'est-ce qu'il a dit il a dit si ils me chassent de l'endroit du pays où qu'il était فقال فهي سياحة السياحة c'est sortir ils traduisent un par tourisme il va quitter de Bilad il va découvrir des autres pays il va découvrir des autres frères il va Alhamdulillah il est fait khair. قال إن قتلوني فهي شهادة. S'il me tue, j'espère être martyr. Il espérait هذا. صحيح. S'il le tue, qu'est-ce qui va se passer? C'est une injustice. يوم القيامة ولله الحمد. Et ça sera un énorme bienfait pour lui. Le martyr, c'est une énorme récompense. قال وإن حبسوني s'il m'enferme فهي خلوة. S'il m'enferme. Et ça, c'est une des épreuves les plus difficiles. Il y en a six. Tu te fais chasser d'un bilad, tu peux refaire ta vie dans un autre bilad. Si tu te fais tuer, dhulman c'est shahada, alhamdulillah. Tu auras un na'im, les délices dans ta tombe et l'au-delà. Et être enfermé, ça peut être le plus difficile. Qala Sheikh al-Islam fa hiya khulwa. Khulwa, ça veut dire je serai coupé des autres. Pour faire quoi? Ibadatun al-ilm. C'est pour ça que Sheikh al-Islam kana yaqra al-Qur'an kathiran dans sa cellule. Rahmatullah alayhi, jusqu'à sa mort. Et avant sa mort, il a terminé le mushaf des dizaines et des dizaines de fois. Rahmatullah alayhi. À la fin, il faisait presque que ça. Beaucoup de ses livres, pour les imprimer, ils font un doctorat. Tellement que son khat, il était compliqué à Cheikh al-Islam. Ma'rouf, il avait une écriture très très compliquée. Pour déchiffrer les manuscrits, c'est des docteurs. Il faut des études, il faut des bouhoud, il faut. Ahyanan, c'est des lajna. Un groupe de talaba ou de machaïr pour déchiffrer les manuscrits de Cheikh al-Islam. Ces manuscrits, ils étaient écrits en cellule. Et t'as le monde en cellule, t'as pas de mardi, t'as pas de référence. Et bien, oh là, à notre époque, il y a les ordinateurs, ça te facilite certaines choses. Il n'y avait rien de cela. Et il a écrit des mujalladat. C'est des références. Hakada l'ilm. Lakin, cet exemple de Cheikh al-Islam, c'est que ce cœur, il était prêt. Amma al-Ba'lan, il se fait accuser d'une chose, yafshel. Ah oui, il se fait renvoyer dans l'endroit où expulsé, qu'annahu c'est la fin du monde, il veut mettre fin à ses jours. Grève de la faim, avocat, mensonge. Mais ma dali, c'est mina dhaf. Wahid, il se fait enfermer injustement, khalas. Khalas, qu'annahu hassal. Pourquoi les ma dali, les cœurs, ils sont pas prêts. Al-Haqiqa, ce passage de cette risala, c'est un traitement azim pour les cœurs. Et c'est une solution bénéfique pour avoir une vie heureuse. Et pour l'instant, on a lu le premier point et c'est la base. Islahu al-qalb. Ladhatu al-qalb. Aïe, traiter ce cœur. Quand l'insan est malade, il faut traiter le problème. Mathalan, les cancers, ayyadam billah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres maladies, il faut qu'ils soient traités à la base. Et ça peut se propager, il est arrêté. Amali, maintenant il a le cancer, et Wahed, il essaye de regarder pourquoi il a mal à la tête, pourquoi il est fatigué, et il veut régler ça. Là, il faut régler la tumeur à la base. Fahakada. Le cœur, s'il n'est pas traité, tu peux traiter les autres choses, il n'y aura pas une grande faïda. Et vous avez remarqué qu'à notre époque, ce point, il est contredit kathiran. On vit à une époque, anna kathiran minan nas. Ils font tout pour traiter leur corps. Et on a déjà parlé de Hada dans une risala précédente. Ils font tout pour traiter leur corps. Et ils croient, ils pensent que ça va les rendre heureux. Wadanas, ils sont d'un humain en train de réfléchir leur physique. Imma, il a pris trop de poids. Imma, il a pas assez de poids. Imma, sa couleur de peau. Imma, ils pensent que ça va le rendre heureux, al-miskin. Ce corps, il va finir tahta al-turab. Ce corps, il sera enterré. Et Allahu a'lam bi masir. Ba'dannas, ils font tout d'aïman pour prendre soin de ce corps, comme on a des heures en salle de sport. Ba'dannisa, des heures dans la salle de bain. Des heures pour telle chose, des heures, et ka'annahu, cette chose, ça va les rendre heureux. Abadan. Abadan, c'est pas ça qui rend heureux. Ha'oula, ils ont oublié. Ou ils ignorent, ayyadam billah. Ou ils se sont détournés de la principale cause, le cœur. Commence par travailler ton cœur et inshallah tout le reste viendra. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jasad mudghah idha salahat salah al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluh. Allez, hada al ulama minhum al shaykh Sa'di, commence toujours par le cœur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conseillé Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le fils de son oncle al Abbas, Abdullah radiyallahu anhu, quand il a conseillé, ماذا قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. Pourtant c'était un enfant. Il a commencé par le cœur. استعن بالله. نعم استعن إيش الحديث؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. وإذا استعنت فاستعن بالله. Tout ça c'est le cœur. Si on commence inshallah par cette étape, alhamdulillah, tout le reste, ça sera beaucoup plus simple. Et le prochain dars, on lira ensemble Al-Amr Al-Thani par rapport au Ni'am. Et le troisième, le fait d'utiliser, de faire des efforts pour utiliser l'âme, ses bienfaits dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Naktafi bihada, walhamdulillahi rabbil alamin.